Quel horizon pour la vie en ville? Comment construire les nouvelles urbanités? The Urban, un podcast qui interroge notre rapport à la ville et nos modes de vie urbains en allant à la rencontre de leurs grands penseurs. Une série d'entretiens exclusifs, de chroniques et reportages à travers le monde à découvrir sur toutes les plateformes de podcast et sur gessina.fr. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Violée, une histoire de domination. Une série de Clémence Alzard, réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a des statistiques implacables. 22 900 personnes violées en 2019, 74% des viols commis par une personne connue de la victime, 25% des viols commis par un membre de la famille et 57% des viols commis sur des mineurs. Et aussi, la certitude qu'il y a autre chose à dire sur le viol et sur ce qui arrive après. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui écrit, un homme qui se souvient, 3 femmes en colère qui se soutiennent et Virginie Despentes. Ensuite, le décor. Des viols, un livre, un carnet, un jean, des interrogatoires, une piscine, l'amnésie, un procès, une soirée télé, des thérapies, de la force, de la joie et de la rage. Aujourd'hui, premier épisode, on se pose, on écoute et si on a les oreilles sensibles, on s'éloigne du poste. J'ai envie qu'on avance, quoi. J'ai envie qu'on... Ça avance pas, c'est pas possible d'être aussi seul et d'entendre encore des choses incroyables. Enfin, en plus, les gens, ils savent pas ce qu'on entend, ce que les keufs nous disent encore maintenant, ce que... Je sais pas, j'avais cette image-là de... C'est dans les films où t'en as un qui se fait bien défoncer, un personnage qui se fait défoncer dans le premier volet. À la fin, on croit qu'il est mort. Et puis, il revient dans l'épisode 2. Moi, je me suis fait violer pendant 2 heures par un gars. J'ai perdu connaissance. Mais franchement, je suis ce personnage-là, quoi. J'ai la gueule en vrac, mais je reviens et je suis vénère et je veux juste qu'on en parle, quoi, que... Violée, une histoire de domination. Par Clémence Alzard et Séverine Cassard. En venir aux mots. Moi, j'ai l'impression qu'on me demande de faire société sans les meufs violées et de faire société avec ceux qui les ont violées. Et je suis pas trop OK, quoi. Franchement, on est dans un pays en paix, c'est merveilleux, mais il y en a une qui court dans toutes nos rues, dans tous nos immeubles, dans nos forêts. C'est une guerre réelle et elle court vite. Et elle tue tous les 2 jours et elle viole toutes les 7 minutes. C'est en même temps ce qui me défigure et ce qui me constitue, écrit Virginie Despentes dans King Kong Theory. Récit séisme où la victime de viol est Amazon. Elle pense, elle théorise à partir du viol. Elle vit. Elle a fait du stop, elle a été violée, elle a refait du stop. Elle est cabossée et prête à en découdre. Intellectuellement, elle m'a armée. Il y a quelques années, je l'ai offert à ma mère. C'était ma manière de dire, sans inquiéter. Il y a plus de 2 ans, j'ai rencontré l'écrivaine et musicienne Mathilde Forger. Elle avait été violée peu de temps auparavant. Elle voulait raconter l'après, les silences imposés, la parole empêchée, ce qui l'avait sauvée et ce qui l'a révoltée. Créer un espace de parole, et que ce soit un objet radiophonique, qu'on écoute. À de multiples reprises, j'ai été saisie par les doutes. Que pouvions-nous dire de plus? Pas un jour ne passe sans qu'une affaire n'éclate. Comment raconter encore? Les doutes m'ont guidée, mais l'évidence s'est imposée. Dire encore oui. Rappeler les chiffres. Officiellement, entre 52 000 et 75 000 femmes violées par an. Environ 2500 hommes. Dire les réalités largement sous-évaluées, dire l'ampleur et l'inertie, écouter encore les corps appropriés, les hors-catégories qui n'ont pas droit de citer. Nommer l'hétérosexisme, sortir du huis clos de l'intime, comme dirait Mathilde. Comme dans 98% des cas, mon violeur était un homme. Comme dans 91% des cas, il faisait partie de mon entourage. Comme dans une écrasante majorité de violences sexuelles perpétrées, j'étais mineure, lui non. Comme tant d'autres, je n'ai pas porté plainte, je n'avais pas les mots et j'ai gardé le silence pour protéger les miens. Rien de spectaculaire. C'est l'histoire banale d'une violence patriarcale. C'est cette banalité des viols qu'il faut savoir écouter. Pourquoi est-ce que t'as voulu commencer avec ce morceau de piano? Bah, c'est que ça va être dur pour moi, peut-être un peu, de vous parler. Mathilde Forger. Parce que je suis stressée, hein, pas parce que le sujet me pose problème, pas du tout, mais bon, voilà, l'oral, quoi. Et donc si j'arrivais à vous jouer du piano, voilà, ça me détendrait et j'aurais plus confiance en moi. Aussi parce que, peut-être pour convoquer un peu ma mère, qui était pianiste, et aussi parce que le piano classique m'aide à supporter la laideur du monde. Et on va en parler un peu, de sa laideur. En 2017, j'ai été violée, et tout de suite, il m'a paru assez être témoin de choses vraiment improbables, que ce soit le silence, les phrases que j'ai entendues. Tout de suite, je me suis dit que fallait que je prenne des notes, que je documente tout ça. En fait, c'était pas possible pour moi de me retrouver aussi seule, et qu'aujourd'hui encore, quand tu le dis, j'ai été violée, t'as l'impression de dire un animal qui n'existe pas, et que les gens savent pas comment faire, et que... Et moi, ma mère, elle en est morte de ce silence et de ce tabou. Donc voilà, moi j'ai envie de... J'avais envie de faire un objet, quoi. Créer un espace loin de la culture du viol et loin du silence, tu vois. J'ai l'impression qu'on a... C'est compliqué. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment un espace assez simple, collectif, d'organisation ensemble, de sortir de la stupeur, de sortir du tabou, de sortir de... Enfin, c'est une torture et c'est un crime, tu vois. Sauf qu'en passant par le sexe, par notre sexe, ça rend les choses tellement compliquées. Pour le parler, tu vois. Donc ça, c'est mon petit carnet que j'avais acheté, que j'ai sobrement intitulé mon viol. Et là, j'ai pris plein de petites notes. Alors, la première petite note, par exemple. Et on s'en fout, mais pendant tout ce temps, j'ai pensé à Virginie Despentes et ça m'a fait du bien. Je me souviens que pendant le viol, je pensais à King Kong Theory. Et en fait, je voyais ma bibliothèque derrière lui. Et je me demandais où il était rangé. Et je me suis dit, mais j'ai lu ce livre. Et ça, bah, désolé pour lui, quoi. Parce qu'en fait, moi, je vois ce qu'il y a à l'œuvre. Je vois ce qu'il est en train d'essayer de faire. Je vois ce qui va se passer après. Et ça, il pourra jamais enlever le fait que je l'ai déjà lu. J'ai marqué, grâce à la violence, mon corps témoigne à ma place. C'est pratique. Parce que oui, le problème avec le viol, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Bon, moi, je me suis fait démonter la tête au passage. Mais il n'y a pas de preuve, alors aussi, cette phrase « laissons faire la justice, on arrête ça enfin, », la justice dans les violences sexuelles, elle ne fait pas son boulot, et aussi parce qu'elle ne peut pas le faire. Il faut des preuves. On n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, on n'a pas de témoins, ça n'existe pas. Ouais, j'ai marqué « je m'inquiète car j'ai vomi la première trithérapie ». La trithérapie, on la donne ouais, aux UMJ, tu vas aux UMJ, et on la donne pour pas choper le sida. J'ai marqué aussi, on peut être lié à l'extrême par le bonheur, mais aussi par l'horreur. Je suis liée à lui, je veux me détacher de lui. Ah oui, les policiers étaient obsédés par la taille de son sexe, donc j'ai dû... J'avais me filer une règle et je devais donner la taille de son sexe. C'était très bizarre. Et en plus, alors là, je leur faisais cul de leur dire, je n'en sais rien. Et j'ai dit 19 cm. Et après, j'ai envoyé un texto à une pote hétéro. Je lui ai dit, franchement, ça mesure combien, en gros? Et elle m'a dit, franchement, 14, déjà, c'est pas mal. Et j'ai fait, oh putain, merde, j'ai dit 19 cm, meuf. Elle m'a fait, t'es une ouf. Et bon, ça aussi, c'est un peu dur, mais je vais le dire quand même. Par exemple, donc je parle pendant des heures de ce viol, et la policière me demande d'affirmer que je n'ai pas mouillé. Déjà, bon, disons-nous une bonne fois pour toutes, il y a des femmes qui ne mouillent pas quand elles sont excitées, et il y a des femmes qui mouillent quand elles ne sont pas excitées, donc j'ai en plus ce vieux truc de... Ces questions-là, c'est non, en fait. Ça ne fait pas partie de l'enquête, en fait. Et ça, c'est dur, enfin, c'est... C'est... Faut nous préserver un peu, quoi. Et donc ça, c'est quand t'es reçue par la police, et c'est les premières fois où tu racontes qu'on te pose ces questions-là. Ouais, moi, ouais. J'ai porté plainte 10 minutes après, je crois. 20 minutes. J'ai fait 6 dépositions. Ça fait partie d'un protocole que les agents de police... Oui, je pense qu'il y en a. Par exemple, moi, je sais qu'aux UMJ, le médecin m'a demandé si j'avais eu un rapport sexuel après le viol. Juste là, et effectivement, ça faisait 20 minutes, j'étais bon. Mais ça, je pense qu'il suivait effectivement des questions obligatoires. Mais en fait, il y avait une enquête d'une jeune femme qui avait porté plainte en Australie et qui n'a pas eu autant de questions sur sa vie privée, sur sa vie d'avant, son enfance. Moi, on m'a demandé si j'avais le souvenir que mes parents étaient amoureux quand j'étais jeune. So what, quoi. Et même quand il y a eu le procès d'Emily Spanton, on a vu à quel point on a fait son procès. C'est une femme canadienne qui a été violée par des policiers. C'est l'affaire du 36. Emily Spanton, ouais. J'étais allée voir le procès, sachant que le mien m'attendait. C'était fou, quoi. On lui disait que, comme elle avait fait une tentative de suicide quand elle avait 7 ans, elle était certainement victime depuis longtemps, donc c'est peut-être ça le problème. Ça aussi, il faut que tu prouves que t'es traumatisée que par ça. Moi, je sais que pendant l'expertise, c'était très important de pouvoir prouver que j'étais pas traumatisée par la mort de ma mère, parce que sinon, en fait, on n'allait pas pouvoir dire que le trauma actuel, il appartient au viol. Je sais pas, ils vont chercher dans la vie de la fille. Pour pas que ça existe, quoi. Enfin, pour pas que, ouais. Pour pas que ça apparaisse. J'avais entendu pendant l'affaire Strauss-Kahn, « Oh, mais ça va. Genre, il a envie de coucher avec une femme de chambre. » Ou alors, oui, mais il est beau, je vois pas pourquoi il aurait violé cette meuf, elle est moche. Mais en fait, c'est pas du tout... le viol, c'est pas du tout quelqu'un qui a pas réussi à coucher avec une meuf et qui, du coup... Enfin, c'est un projet de destruction misogyne, quoi. C'est pas que t'avais envie d'elle et que, du coup, elle a plus envie, mais tu forces, quoi. C'est même pas ça, pour moi. C'est pas le désir qui fait maintenir leur sexe en érection à ce moment-là. C'est vouloir nous... Ouais, nous faire disparaître. Soumettre. Ouais. C'est pas j'ai tellement envie de toi que je vais le faire quand même. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec eux. Ils ont juste l'air de branleurs, amusants, vraiment pas agressifs. Cette proximité, depuis parmi les choses indélébiles, corps d'homme dans un lieu clos où l'on est enfermé, avec eux mais pas semblable à eux. Jamais semblable, avec nos corps de femmes. Jamais en sécurité. Jamais les mêmes qu'eux. Nous sommes du sexe de la peur, de l'humiliation. Le sexe étranger. C'est sur cette exclusion de nos corps que se construisent les virilités. Leur fameuse solidarité masculine, c'est dans ces moments qu'elles se nouent. Un pacte reposant sur notre infériorité. Leur rire de mec, entre eux. Le rire du plus fort, en nombre. Pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on est en mini-jupe. Une cheveu vert, une cheveu orange. Forcément, on baisse comme des lapins. Donc le viol en train de se commettre n'en est pas tout à fait un. Comme pour la plupart des viols, j'imagine. J'imagine que, depuis, aucun de ces trois types ne s'identifie comme violeur. Car ce qu'ils ont fait, eux, c'est autre chose. À trois, avec un fusil contre deux filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner. Pas du viol. La preuve, si vraiment on avait tenu à ne pas se faire violer, on aurait préféré mourir, ou on aurait réussi à les tuer. Celles à qui ça arrive, du point de vue des agresseurs, d'une manière ou d'une autre, ils s'arrangent pour le croire. Tant qu'elles s'en sortent vivantes, c'est que ça ne leur déplaisait pas tant que ça. Virginie Despentes, King Kong Théorie. Cette nuit-là, ce soir-là, j'ai juste pris toutes les libertés que tous les mecs prennent, tout le temps. J'ai bu, puis j'ai ramené un mec chez moi que je désirais, puis après j'ai dit non. Et là, bah, il m'a dit, non mais toi t'es conne et je vais te faire comprendre en fait que non, tu ne peux pas vivre comme moi, tu peux pas en fait ramener quelqu'un chez toi comme toi, tu peux pas me dire oui puis non, tu peux pas boire, tu peux... Non, t'es pas libre comme moi, t'es une femme et donc, dans une société patriarcale, ça c'est non. Mais moi je... je suis pas calmée et je continuerai de prendre toutes les libertés. Je ne suis pas assez silencieuse. Comme victime. Ça mérite qu'on le signale dans un journal féminin. C'est un conseil aux lectrices. Le viol, d'accord, c'est triste, mais doucement sur les vagissements, mesdames. Pas assez digne. Je t'emmerde. Une autre imbécile souligne la classe d'une Marilyn Monroe, qui, elle, a su être une bonne victime. Comprenez, douce, sexy, gardant le silence, sachant la fermer, sa grande gueule, alors qu'on la faisait tourner à quatre pattes dans des partous glauques. Cachez vos plaies, mesdames. Elle pourrait gêner le tortionnaire. Être une victime digne, c'est-à-dire qui sait se taire. La parole toujours confisquée. Dangereuse, on l'aura compris. Heureusement que j'avais lu avant, mais il fout des... Non, mais King Kong Theory... Donc déjà, là, c'est mon dépôt de plainte. J'en pouvais plus de raconter tous ces détails. Ça dure des heures. Et sa main, elle était où? Mais si sa main, elle était là, il vous tenait pas. Mais en fait, votre doigt de pied, il était là. Mais du coup... Oh, l'enfer. Mais pendant tout ce temps, j'ai pensé à Virginie Despentes et ça m'a fait du bien. Voilà, et puis aussi, il y a une flic, une fois, qui m'a posé une question encore tordue, là, qu'il ne faut pas répondre à ces questions. Avant même que j'essaye de répondre, elle me dit « Non, mais répondez pas. De toute façon, vous avez vu le bouquin, j'ai vu, il n'y a pas de bonne victime. » Donc elle aussi, elle avait vu voilà, que j'ai nommé King Kong Theory. Moi, je l'ai rouvert tout de suite, c'est ouais, le premier livre que j'ai lu juste après le viol. Et pareil, j'ai stabiloté des choses dedans. Si vraiment on avait tenu à ne pas se faire violer, on aurait préféré mourir ou on aurait réussi à les tuer. Ça aussi. C'est très compliqué, en fait, d'arriver et de dire « je suis victime d'un crime et je suis là et... » Des fois aussi, il y a des mécanismes de défense qui jouent contre nous, tu vois. Par exemple, il y a un truc qu'il faut qu'on sache une bonne fois pour toutes. Cette idée que si le lendemain de son viol, la victime, elle pleure à cause d'un bibelot qui est tombé, ça, dans le procès d'Emily Spanton, on s'en était servi. En disant que le lendemain de son viol, apparemment, elle avait pleuré, elle avait fait une crise parce que son colocataire avait acheté un cadeau à une fille et pas à elle. Et tout le monde disait, bon, bah en fait, si elle s'est fait violer, elle va pas pleurer pour un bibelot. Mais en fait, si, moi, j'ai jamais autant pété un câble que sur mon jean, que sur autre chose dans toute cette histoire. J'étais obsédée par mon jean, c'était mon jean préféré. Je parlais que de ça chez ma psy, elle était genre, bah, il va falloir faire le deuil de votre jean. Et là, je fais, c'est mort. Et j'en parlais à mon avocat, Et je lui ai envoyé, je l'ai là, peut-être je peux le lire, je lui ai envoyé un petit texte pour essayer de lui expliquer qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi on va chialer notre jean préféré. Si je devais pleurer ce que le viol a détruit en moi, je pleurerais jusqu'à la fin de ma vie. Alors oui, je vais plutôt pleurer lorsque ma tartine va s'écraser côté confiture sur le carrelage. Ce que j'ai perdu cette nuit-là n'est même pas dissible. Alors oui, je vais plutôt pleurer mon jean préféré que la police a mis sous scellé. Car faire le deuil du reste pourrait me tuer, du moins au début. Peut-être que cette nuit-là, ce que j'ai perdu s'appelle la légèreté. Je préfère dans un premier temps penser que je vais devoir apprendre à vivre sans mon jean préféré que sans légèreté. J'ai trouvé ce mot-là, légèreté, je sais pas s'il est juste, mais... Et on pourrait se dire, bon ça va en fait, elle peut vivre sans légèreté, mais imagine que chaque seconde de chaque minute est grave. J'ai l'impression qu'il y a ça une fois que t'as été violée, un truc, c'est un peu... Ça grince un peu tout le temps, quoi. Et même... C'était dans un moment léger, justement, dans un endroit que t'aimes bien, avec ton amoureuse ou ton amoureux, et puis, je sais pas, vous regardez un truc qui est beau, et t'es bien, mais il y a un truc dans le fond de ton ventre qui est un peu grave, quand même, qui coince un peu. Faut vivre avec, ça se fait, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être un peu plus lourd tout le temps, quoi. C'est fatigant aussi, mon Dieu, que je fais des siestes. et que je dors. Nous, j'ai mis la psychiatrie. Et c'est cool, ça y est, on va enfin arrêter le traitement. Donc on va pouvoir démarrer la seconde phase. De Cazeneuve, Baptiste. J'ai envie de te faire la bise. L'amnésie traumatique, c'est quand la mémoire enfouit les violences subies. Les violences sont inscrites dans le corps, mais l'intellect est dans le brouillard. On a dissocié, on ne se souvient plus. C'est là, mais c'est flou. Comme de nombreuses victimes de viol dans l'enfance, Baptiste de Cazeneuve a été frappé d'amnésie traumatique. Il a fait de sa quête mémorielle un documentaire, Apnée, une enquête intime pour retrouver le petit garçon de 4 ans violé, retrouver aussi et confronter l'agresseur, son maître nageur, au moment des faits. Dès que les souvenirs de viol dans mon enfance ont ressurgi, c'était une évidence de documenter ça et d'essayer de travailler cette matière pour essayer de parler de cette problématique qui est encore assez méconnue en France, bien que beaucoup moins. Donc dès que les souvenirs sont revenus, je me suis aussitôt emparé d'une petite caméra ou de mon téléphone et j'ai commencé à filmer seul. C'est certainement pas quelque chose de facile à faire, mais ça me paraissait quelque chose de capital, parce que chaque victime passe par là, chaque victime est confrontée à révéler le plus intime de soi aux personnes qui sont les plus proches de soi. L'un des aspects primordiaux de ce film, c'était d'être sincère, honnête, et de montrer aussi l'impact que ça a non seulement sur soi-même en tant que victime, mais aussi sur l'entourage, la famille, et c'était évidemment des images très douloureuses et inconfortables, et pour ma mère, et pour moi. Je vais devoir retenir un truc, maman. Parce qu'en fait, il y a des souvenirs de mon enfance qui sont remontés il y a 2 mois, des souvenirs de viol quand j'avais 4 ans. Hein? C'était voilà, raconter en toute simplicité mon parcours depuis la résurgence de ces souvenirs jusqu'à ce que je considérais l'aboutissement, c'est-à-dire voilà, confronter, retrouver cet homme et renvoyer le mal qu'il m'avait fait. Pas renvoyer le mal, mais lui dire à quel point j'étais libéré du mal qu'il m'avait fait et m'émanciper de tout ça. Mais c'est toute cette démarche, en fait, voilà, très semée d'embûches, longue, compliquée, entre des dizaines de psys, des avocats, la police, et je crois que beaucoup d'autres victimes se sont reconnues dans ce parcours, qui en fait est très banal, mais qui voilà, me semblait, en tant que journaliste moi-même, être important à documenter, de A jusqu'à Z. Il y a un élément déclencheur aussi, je crois, c'est un reportage et puis une conversation avec un ami. Oui, j'ai un travail qui est celui de journaliste. J'ai beaucoup travaillé sur les psychotraumas. Juste avant la résurgence de ces souvenirs, j'étais effectivement en Centrafrique et voilà, il y a une certaine tension, un certain stress un peu continu qui ont permis, je pense, d'approcher en fait au plus profond de mon mal-être et de mon traumatisme personnel. Et c'est finalement effectivement une conversation avec un ami qui lui-même m'a parlé en toute simplicité de la levée de son amnésie, des viols que lui-même avait subis dans son enfance. Et quand il m'a raconté ça, je me suis complètement lu en lui. Et quelques jours après, les flashbacks rejaillissaient. C'est quelque chose en fait d'assez dur à accepter que ça puisse exister, qu'on n'est pas maître de soi-même, on n'est pas maître de ce qu'on a dans la tête en fait. Qu'on puisse se déconnecter de son psychisme pendant 25 ans, c'est très très perturbant. Quand ces premiers souvenirs reviennent, ce qui est très perturbant, c'est comment les gérer, comment les accepter, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. C'est des espèces de flashbacks qui vous hantent, qui vous reviennent sous forme de cauchemars, sous forme de douleurs physiques. Et c'est des souvenirs qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à intégrer dans son parcours autobiographique, dans son récit de vie. Et l'une de mes grandes quêtes, ça a été effectivement parvenir à reconstituer ce parcours de vie qui était très éclaté. De l'enfance, je garde avec une dizaine de souvenirs et j'ai réussi à, en regardant des photos, en parlant à ma famille, en visionnant des vidéos d'enfance de ma famille, en retournant sur les lieux de mon enfance, j'ai réussi à replacer tous ces souvenirs dans un récit autobiographique beaucoup plus large et beaucoup plus heureux et beaucoup plus simple. Et c'est ça qui est bizarre, dans tous les dessins, on retrouve à chaque fois, tu vois, ce putain de bleu angoissant qui faisait partie des souvenirs qui sont revenus, quoi. De plonger dans un bleu d'un coup qui oppresse et qui... Le problème des viols, c'est que ça déclenche, c'est une réaction psychique tellement forte. Donc, normalement, ce dont témoignent les personnes, c'est qu'elles se voient, tu vois. Elles se voient en train de se faire maltraiter, torturer ou violer, mais elles sont plus connectées, quoi. Et ce phénomène de dissociation, en fait, après, c'est un... qui se retrouve toute ta vie, quoi. Donc tu dissocies, une partie de ta vie est là, une partie ici, ta jeunesse, tout ça, et t'arrives pas à être une seule et même personne avec un même... Tu compartimentes, du coup, tu compartimentes, ça, exactement. Et donc, vous épinglez sur un mur, par exemple, plein de photos. C'était toutes les images, toutes les photos, tous les souvenirs, tout ce qui rejaillissait au fur et à mesure de mes thérapies, des événements qui étaient significatifs pour ma quête, donc c'est-à-dire tout ce qui pouvait corroborer le fait que j'avais été victime de viol, un traitement quand j'étais gamin contre l'énurésie prescrit par un médecin. Ça pouvait être ce genre de choses, mais ça pouvait très bien être aussi des souvenirs heureux, juste pour raconter et m'apercevoir que je n'étais pas que ça. Je n'étais pas que une victime, mais que j'étais bien un enfant et un gamin heureux aussi. Retourner sur le lieu du viol, ça a évidemment été beaucoup plus compliqué. Ça m'a replongé en dissociation, c'est-à-dire que j'étais absent. Je me suis assis sur les gradins de la piscine et j'étais complètement absent. J'ai plongé dans un état qu'on appelle hypnotique, et durant lequel j'ai revécu le viol, mais en étant adulte. Donc j'ai réussi à inverser ce que j'avais subi étant enfant, et en tant qu'adulte, à élever la voix, à chasser cet homme et à m'imposer. On vous suit aussi dans une boîte de nuit gay, dans un moment de consommation de drogue et de sexe. Est-ce que vous, il vous a semblé que c'était un tabou supplémentaire, une difficulté supplémentaire pour en parler, le fait d'être gay aussi? Effectivement, il y a beaucoup de spécificités dans les communautés gays. Il y a beaucoup de symptômes et de séquelles qui se retrouvent. Ce que vous évoquez, les drogues, la surconsommation sexuelle. Il y a effectivement matière à s'interroger de façon beaucoup plus spécifique nous concernant. Non, parce que pour moi, dans mon parcours individuel, ça a été vraiment l'une des principales mises en danger, cette surconsommation et de drogue et de sexe. C'est jamais qu'un symptôme de la dissociation. On essaye d'estomper les douleurs physiques du viol qui perdurent à l'âge adulte et de ne plus les ressentir. Et la surconsommation sexuelle, c'est comme une façon aussi de se réapproprier à sa propre vie, sa propre sexualité. Pour moi, c'était effectivement l'évoquer dans le film, c'était nécessaire parce que je pense qu'il n'y avait pas encore beaucoup, pas suffisamment de réflexion à ce sujet-là. Et je pense que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce milieu de chemsexe, de surconsommation et de drogue et de sexe. Beaucoup de personnes qui, effectivement, elles-mêmes vivaient ça comme un échappatoire. J'ai pas besoin d'arguments pour vous dire ce que je ressens. Ouais, ce que j'ai vécu. J'ai ressenti de la colère, de la honte, de la peur pendant toute mon enfance. Et toute mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux enfin être adulte. Le lien est rompu, c'est fini. Voilà. J'en ai parlé à mes psychiatres, à mes psychologues, à mes addictologues, parce que évidemment, je suis tombé dans les drogues, dans la prostitution, grâce à vous aussi. Je suis tombé dans les drogues, la prostitution, moi, grâce à vous. Vous croyez qu'une petite fellation, c'est naturel, c'est simple? Vous dites que c'était 25 ans en apnée, ce qui est dans la présentation du documentaire. Vous respirez maintenant, alors? Je respire, je surnage. Je me suis reconstruit en termes thérapeutiques. Évidemment, la justice est telle que les délais sont très longs, déposer plainte, enquêter... Les convocations à la police, les convocations pour les expertises psychologiques, ce rappel à moi et ce rappel à ce passé qui n'est pas très agréable. Mais la thérapie fait telle que on intègre tout ça dans un parcours de vie beaucoup plus large et que j'arrive très bien à avancer en m'étant affranchi de ça. La procédure judiciaire, elle est en cours encore? Elle est en cours, ouais. C'est... J'ai déposé plainte il y a un an et demi et ils enquêtent. C'est une sensation que j'ai eue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis j'ai été violée, t'as l'impression que tu fais exister le viol, parce que je veux dire, personne ne va dire j'ai violé ou j'ai vu quelqu'un violer quelqu'un. Enfin, je veux dire, le viol existe quand la victime le dit. Enfin, il existe en tout cas, il est nommé, il apparaît, quoi. Dire j'ai été violée, c'est à un moment donné faire exister un des je sais pas combien de viols qui existent et qui sont pas nommés et qui sont donc invisibles. Mathilde Forger. C'est pas possible encore de dire j'ai été violée et d'avoir un espèce de... Mais je pense qu'on a vraiment des armes et des possibilités pour contrer le truc tout de suite et être ensemble et s'organiser. Tu vois, ah ouais, ok, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on fait Tout ça, quoi, qu'on s'organise ensemble. Ils sont bien organisés, hein, les mecs. Il y a tout un système, en fait. Ouais, il y a tout un système. Bah, on pourrait peut-être proposer un système parallèle pour nous, pour dire, en fait, là, ça va, quoi. Putain, les viols, toutes les 5 minutes, là, ou toutes les je sais pas combien de minutes. Clémence, tu peux te mettre là? Ouais. Alors Mathilde, Sol et Marcia, vous faites partie donc d'un groupe de parole. Toutes les trois, vous avez donc commencé à vous réunir ici, chez Mathilde. Est-ce que vous pouvez justement un peu nous raconter la genèse de cette rencontre et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous réunir et de parler entre vous? Moi, j'ai rencontré Marcia, enfin une amie, après mon viol, donc j'étais un peu en galère, et une amie m'a dit que je pouvais contacter Marcia, parce qu'elle avait déjà pris la parole à la radio, Donc voilà, je me suis dit, on a bu un verre. Moi, j'étais tellement en galère à cette époque, j'avais juste envie de boire de l'alcool jusqu'à plus pouvoir. Mais elle, elle était très pro, elle me donnait des petits conseils, tout ça. Et c'est quelques temps après, je crois, qu'elle m'a dit, écoute, j'ai une amie à moi qui a été violée aussi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait faire un groupe de parole toutes les trois. Moi, si je me souviens bien, alors je me souviens de ce que tu racontes, Mathilde, mais je me souviens que ça a pris du temps. C'est qu'on a beaucoup fait d'aller-retour, on en a beaucoup parlé de ce groupe de parole d'abord. Moi, j'en ai aussi beaucoup parlé avec Sol. Et c'est vrai que c'était un pari, vous ne connaissiez pas du tout. Non. Et en fait, le premier groupe de parole a duré 3h30, je crois. Plus que ça. Ah non, mais ouais. 5h, je crois, un truc comme ça. Et c'est clair que c'était un pari. En fait, on savait que les groupes de parole, ça existait. On savait que les groupes de parole sur le viol, il y en avait qui étaient organisés un peu institutionnellement. Mais en fait, il y en a assez peu. Ou alors, ils sont complets. Ou alors, en fait, ils sont difficiles d'accès. Et j'étais pas sûre que je me voyais vraiment pousser une porte et dire « Ah, en fait, je veux faire ça ». Mais clairement, c'était un peu fou cette première fois parce que ça s'est passé si simplement. Et ce qu'on a fait qui est un peu fou aussi, c'est qu'on a décidé de se lancer sans facilitatrice. En général, les groupes de parole, c'est avec une thérapeute, voire plusieurs thérapeutes. Et nous, on a dit pas que on le fait nous-mêmes, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que je sais plus. Donc maintenant, moi, je suis suivie maintenant par une psy en plus du groupe de parole. Et donc, je me rappelle que j'avais vachement hésité à lui dire. Je me suis dit, elle va trouver que c'est une super mauvaise idée de faire ça sans professionnel et tout. Bon, en réalité, elle a trouvé que c'était cool et elle trouvait qu'on était vachement forte d'y arriver toute seule. Mais en fait, c'était un défi à tous les niveaux, quoi. Moi, je me demande aussi si c'est pas des fois un mythe qu'on peut pas s'en sortir sans un professionnel. Des professionnels qui sont pas formés, qui disent des trucs atroces, qui font presque plus de mal que de bien. On en a, à nous trois, là, je sais pas combien on en a vu, mais il y en a eu un nombre incalculable. Qui disent des trucs bêtes. Oui. Vraiment, des trucs bêtes. C'était ça aussi, je crois, la frustration. C'était pas juste qu'ils disent des trucs blessants ou des trucs... Je sais pas, les psys qui nous disent « c'est pas votre faute ». Ouais, ok, super. Ouais, vraiment, je sais pas, des trucs hyper banals. C'était jamais... Enfin, moi, j'ai essayé vraiment beaucoup de thérapeutes différents. Ouais, et c'était aussi un truc où ils voulaient jamais accepter qu'on soit en colère. Ouais. Et je me souviens qu'on se disait « mais au moins ici, on peut dire qu'en vrai... tout nous saoule, qu'on n'en peut plus, qu'en fait, c'est insupportable d'être une femme dans cette société. C'est insupportable de pouvoir, de pas pouvoir marcher dans la rue sans potentiellement risquer de se faire violer. On pouvait cracher la colère qu'on avait sur les hommes. Moi, je me souviens que là, quand même, une des psys m'avait dit « Vous serez en voie de guérison quand vous vous serez réconciliée avec les hommes. » J'étais là, mais... en quoi c'est censé m'aider, ça? Enfin, moi, je me porte beaucoup mieux depuis qu'ils sont moins présents dans ma vie. J'ai pas envie de me réconcilier avec eux. C'est eux qui doivent arrêter de me faire chier. Enfin, et je pense que c'était aussi ça. C'est que avec les thérapeutes, on n'arrivait jamais à avoir une approche féministe qui prenne un peu en compte le contexte. Tu te rappelles, toi, t'en avais une qui t'avait dit « Mais vous vous rendez compte, si toutes les femmes pensaient... qu'elle risquait quelque chose à sortir de chez elle. Mais ça serait horrible pour elle. » Et nous, on se disait, mais elle vit dans quel monde? Enfin, bon, elle était dans le 16e, mais même, enfin, je veux dire, on se disait, mais qu'est-ce... quoi? Moi, par exemple, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit... je lui raconte mon viol, qui dure 2 heures, et à la fin, elle me dit... ah, vous avez certainement dû chercher à vous punir de quelque chose. Il y avait une autre fois aussi, pareil, c'était pour de l'EMDR, et la femme me dit « Ah, mais en plus, vous êtes lesbienne, ça a dû être horrible. » Et là, je me suis dit à quel point c'était glaçant pour les hétéros. Tu vois, à côté, genre « À quel moment c'est plus simple pour une hétéro ?» Et donc, c'est épuisant, quoi, de faire ces démarches. Et en plus, en face, on peut se retrouver avec des phrases comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il y avait aussi ce truc d'avoir un espace safe, de au moins, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que je suis un peu responsable, quoi. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une formation au collectif féministe contre le viol sur animer les groupes de parole. Et je me rappelais juste de 2 trucs, c'est qu'elles avaient dit qu'il fallait... enfin, que c'était compliqué s'il y avait quelqu'un qui était extrêmement suicidaire, parce que ça mettait la responsabilité sur les autres. Et que s'il y avait un danger de mort imminent, il fallait faire attention. Et que sinon, il fallait se lancer. Elles étaient très positives. Et moi, je me souviens, j'étais arrivée avec ces conseils-là, genre, bon, bah, elles ont dit que, voilà, que s'il y avait quelqu'un qui était, voilà, très très mal, il fallait plutôt qu'on gère avec quelqu'un d'autre, mais que sinon, elles trouvent qu'il faut qu'on y aille. Je pense que ça, c'était aussi une force du groupe, c'est que nos viols n'ont pas eu lieu au même moment et on n'en était pas, toutes les trois, aucune de nous trois, on était au même endroit de l'après-viol. Parce qu'il y a ce que tu dis, Marcia, il y a juste le fait de se voir les unes les autres, et juste déjà, on était en vie. Donc déjà, c'était possible. Et on, du coup, aussi, ben, dans l'après, il y a des hauts, il y a des bas, mais l'immédiat après, il est quand même très, très, très, très dur. Et peut-être que ce serait compliqué de monter un groupe de parole avec que des meufs qui se sont fait violer il y a un mois et demi. Et peut-être que, du coup, le fait qu'on ne soit pas au même moment de cet après-viol, ça a un peu aidé aussi. Et on s'entend assez bien aussi sur un certain rapport aux hommes. Et aussi, du coup, aucune de nous n'est en relation amoureuse avec des hommes cisgenres. Quand bien même, certains des viols qui ont été racontés ici étaient des viols qui ont eu lieu dans le cadre conjugal avec des hommes cisgenres. Mais en fait, à l'heure actuelle... Aucune de nous n'est investie amoureusement dans une relation hétérosexuelle. Et c'est aussi un espèce de point de départ commun entre nous qui a facilité les choses. Beaucoup plus, je trouve, que par exemple la similarité de nos viols. Les viols qu'on a racontés sont puis très différents. On a toutes les trois aussi un parcours différent avec la justice. Ouais. On a peut-être les trois profils, quoi. Mmh. Il y a... Mmh. Je peux le dire, oui, Marcia, toi, t'as pas porté plainte. Mmh. Sol, t'as porté plainte, mais t'as eu classé sans suite. Un non-lieu, même. Un non-lieu, voilà. Terrible terme, non-lieu. Et moi, j'ai porté plainte et il y a eu une condamnation. Et d'ailleurs, là, pour aussi dire, parce que je pense qu'il faut pouvoir dire que des fois, il peut y avoir aussi des moments où ça peut être difficile entre nous. Il y a eu ce moment-là, enfin, en tout cas pour moi, parce que d'un coup, j'ai eu peur que ça nous éloigne. Je pense qu'on essaie de faire beaucoup attention aux unes et aux autres, parce que toutes les trois, on a fait l'expérience de vouloir parler de choses qui se passaient pas très bien dans le soutien de nos proches. Et du coup, je me dis, au moins ici, on arrive à se dire, je flippe, ou là, j'ai l'impression que ça va pas trop, ou là, je crois que pour moi, c'est un peu compliqué, et que la parole, elle est accueillie, qu'on puisse en parler, et que c'est OK. Et qu'il n'y a pas de risque qu'on disparaisse. Je crois que c'est un truc dans nos... Enfin, moi, dans ma relation à vous, je crois que j'ai jamais été aussi certaine que vous serez là toute ma vie et d'une manière complètement folle, quoi. Moi, quand je reçois un texto de vous sur Messenger ou je sais pas quoi, j'étais en voiture une fois et je me suis arrêtée sur le côté de la route. Enfin, il y a un côté tellement genre « Stop !» Il y a Marseille qui m'a écrit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a un espèce de truc, ça, c'est... Ouais, il y a un... Enfin, on est des... Ouais, des guerrières ensemble, il y a un tout ça. Ouais, moi je dirais c'est carrément un truc de vie ou de mort. Moi, souvent je me le dis, hein. Moi, souvent je me suis dit, je sais pas si je serais encore en vie s'il n'y avait pas eu ce groupe, en tout cas je sais pas dans quel état. Et c'est clair que ça crée un truc de ouf. Enfin, je pense qu'il y a un truc entre nous, c'est presque même au-delà de l'amour entre nous. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de vous devoir tellement. Et c'est d'une puissance de feu, quoi. Mmh. Et en plus, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, quoi. Et c'est pas un détail. C'est pas du tout un détail. Enfin, je veux dire, ça a été aussi une source de frustration énorme. On en a discuté plein de fois, mais moi, je continue de penser que c'est un scandale, en fait. Que, tu vois, il nous arrive ce qui nous arrive, et après, il faut qu'on dépense des centaines et des centaines. J'ai fait le calcul, parce qu'on m'a demandé, pour la commission d'indemnisation des victimes... J'ai dépensé, en 4 ans, plus de 3000 balles en séance de psy. Et à chaque fois, les psys me font des tarifs. J'ai été sur un tarif étudiant pendant longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout les séances les plus chères. Et en fait, ça devrait pas être une question. Les meufs qui, elles galèrent, elles peuvent aller se faire voir, quoi. C'est pas du tout accessible. À tour de rôle, j'ai eu l'impression qu'on avait ce truc de « je ne peux plus sortir mon chéquier ». Et c'est presque une insulte quand je vais chez la psy et que je parle et qu'à la fin, elle me dit « ça fera 50 euros ». Et t'es là, ah non, mais en fait, c'est mort. Je ne veux plus donner de l'argent pour ça. Et cette espèce de mythe qu'il y a sur donner de l'argent à son psy, ça fait partie de la guérison. C'est les psys qui nous disent, bah, vouloir aller mieux, c'est aussi décider qu'une partie de son budget va aller dans ces séances-là. Moi, c'est pas que je veux spécialement régler un problème, je sais pas, avec ma mère. C'est juste que il y a ces gars qui m'ont violée et maintenant j'aimerais pouvoir juste camper sans flipper, enfin, ou prendre le métro. Enfin, c'est pas un truc incroyable. Et j'ai pas du coup spécialement un budget que j'ai envie de donner à ça, parce que à un moment donné, un connard a décidé de faire ce qu'il a fait. Enfin, ça, je trouve que c'est un truc très évident, et je trouve ça très fou que ça revienne pas plus souvent dans le discours public autour du viol. Vraiment, je trouve ça dingue. Parce que le parcours... Moi, j'ai essayé aussi, du coup, comme vous, les parcours publics, donc gratuits, pour donner une idée, la dernière expérience que j'ai eue, donc on m'a dit qu'il y avait de la place dans un centre de santé qui faisait des consultations de traumatologie. J'y suis allée, j'ai rencontré du coup la première fois, j'ai dû raconter mon histoire. Par ailleurs, moi ça fait quand même, ça commence à remonter à pas mal d'années, je n'en peux plus de raconter, donc je vais arriver et dire bon bah voilà, moi j'ai été victime de ça, ça, ça, etc. En face de moi, j'ai quelqu'un qui visiblement est très gentil, mais qui a envie de reprendre toute la base. Donc il va me dire « Alors vous savez, j'espère que vous savez que c'est pas de votre faute, etc. » Bon, moi je suis plus à ce stade-là. Ensuite, elle me dit « Vous allez avoir droit à un certain nombre de séances, entre 5 et 10, où on va évaluer à quel point vous êtes traumatisé. Si vous êtes suffisamment traumatisé, on va vous transférer dans un autre institut pour ensuite redémarrer le vrai travail. » Donc là, moi je me rends compte que je suis dans une période d'évaluation, donc moi je sais pas si quand je vais mieux je dois dire, ou si je dois juste dire quand ça va pas, je sais pas si je dois faire semblant d'aller très mal, parce que du coup je sais pas si je vais assez mal pour pouvoir rentrer dans les... Bon bref, c'est une cata, sachant que elle, ce qu'elle me dit, c'est après les 5 séances ou 10 séances, si vous êtes pas assez traumatisé, ça s'arrête. Bon, du coup... Pas avoir le temps quand même, pour ces conneries. Mais c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 4 séances, je lui demande, mais en fait, moi, je... Oui, est-ce que je vais être transférée à l'institut? Comment ça se passe, etc. Et elle est-ce me dit... que j'ai passé le test? Oui. Donc elle me dit, oui, je vous ai mis sur la liste d'attente. Donc la liste d'attente, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc je dis, eh, d'accord, mais du coup, entre-temps. Entre-temps, on va continuer à se voir. Je dis, mais donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que là, on est en train de faire un travail qui est voué à s'arrêter au milieu pour que je recommence tout ça chez un autre psy. Non mais, enfin, moi, je veux dire, qu'est-ce qui est fait pour moi là-dedans? Enfin, je comprends pas. Donc, moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai envie que ça s'arrête, en fait. C'est bon, j'ai pas que ça à foutre. Sinon, j'en discutais avec mes copines le temps que votre liste d'attente arrive. Donc, elle m'a dit, effectivement, dans ces conditions-là, on va arrêter. Je t'ai dit, ah, oui, bah voilà, on va arrêter. Et c'est ça, le parcours public. Ce qu'on propose de gratuit, c'est pas du tout équipé pour gérer la colère qu'on a. Ils sont pas équipés pour gérer des patientes qui arrivent et qui disent, franchement, je n'ai pas envie d'être là. Et vous allez devoir vous démerder pour bosser, parce que visiblement je suis pas capable de fonctionner avec ce qui m'est arrivé, mais par contre je n'ai aucune envie d'être dans votre bureau. Ouais, je pense que en tout cas faut pas, enfin, parce que là on raconte à quel point ça a été compliqué nos parcours. Évidemment, le problème c'est pas le public, le problème c'est le manque de financement et le fait que voilà, les délais d'attente sont longs, le fait que ce soit surbooké, le fait que ça repose sur des assos, sur des bénévoles, sur, enfin voilà, c'est ça le problème. Mais juste, on est trop nombreuses. On est trop nombreuses. Et moi je me rappelle d'un moment où j'avais appelé, alors je sais plus quel endroit j'avais appelé, mais où la réponse qu'on m'avait donnée, c'était « Ah ouais, mais là, c'est MeToo, nous, on est... » Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Vous êtes des milliers à nous appeler. On ne peut pas. Enfin, voilà. Mais des fois, tu vois, moi, je me dis, ce manque de moyens qui est vraiment extrêmement évident et vraiment criant sur la prise en charge des victimes de viol, c'est presque comme si... tout ce temps qu'on perd, qui nous est volé, il était presque organisé de manière structurelle, quoi. Parce que on est énormément à avoir subi des violences, que ce soit quand on était enfant ou quand on était adulte. Tout le monde le sait. Du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que l'État pense qu'il a derrière la tête? Pourquoi est-ce que ça semble être la dernière des dernières des dernières priorités, cette prise en charge-là? En fait, nous aider et prendre en charge nos souffrances et tout ça, c'est aussi empêcher qu'on disparaisse. Et du coup, de faire en sorte que les victimes n'existent pas, qu'on les entende pas, qu'elles disparaissent petit à petit, bah, le viol disparaît avec elles, quoi. Ouais, moi je pense aussi qu'à la fois, cet espace, il est complètement irremplaçable, et en même temps, c'est pas le seul qu'on a. En fait, ça nous a permis de reconnecter avec d'autres gens avec qui on n'arrivait pas à discuter, avec qui c'était plus compliqué. Et donc, au lieu de créer un espèce de truc, c'est que nous trois, et puis voilà, et qu'au final, on va se retrouver que toutes les trois. Ça nous isole pas, mais au contraire, ça nous reconnecte à d'autres endroits. Tu reprends de la force, quoi. Tu reprends ton souffle, tu reprends... Enfin, moi, j'ai jamais eu ça. Je me suis jamais dit, en sortant de chez ma psy, putain, en fait, on est grave forte. Alors que ça, je l'ai... en sortant du groupe de parole, quoi. Et moi, je crois que les moments de notre groupe qui ont été le plus fous pour moi, c'était des trucs où je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas, et c'était horrible, je faisais des trucs chelous, ou je sais pas, et il y en a une de vous qui me dit « Ah, bah, ouais, mais moi, je fais la même chose », et c'est tellement apaisant, en fait. Et c'est tellement apaisant de juste te dire « Ah, viens, en fait, juste, je suis pas seule. » Je sais que je suis pas seule. Enfin, je sais qu'on est des milliers et des milliers et des milliers, mais en fait, tu l'oublies si vite. Tu oublies si vite que en fait on est plein et qu'on vit des choses similaires, et ça, ça a un pouvoir de soulagement sur moi qui est immense, quoi. Le nombre de fois j'ai, je crois que je suis folle. Juste ça. Non, non, t'es pas folle. Ah, cool. Mais parce que ça brise la question de la solitude et de l'isolement, et tout est organisé quand même pour que on soit isolé. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé en parler en public, on n'est pas censé en parler en soirée, on n'est pas censé en parler à des inconnus, on n'est pas censé en parler aux gens à qui on en a déjà parlé, parce que ce serait un peu trop dur pour eux. On est censé en parler un petit peu, mais pas trop. Pas faire de blagues, pas raconter les détails. Il faut pas trop pleurer, parce que ça déstabilise. Il faut pas très être joyeuse, parce que du coup, les gens oublient qu'on est traumatisé. Tout ça fait que, du coup, on n'a plus le droit jamais de prononcer ce mot. Je me suis dit, mais il peut pas refaire un film avec des adolescents, en fait. Je veux dire, je peux pas laisser faire ça, aujourd'hui. Adèle Haenel, sur le plateau de Mediapart, le 4 novembre 2019. Du coup, c'était un peu, voilà comment ça s'est passé dernièrement, mais après, c'est un processus très long. Ça va de juste essayer de commencer par survivre. Après, avoir une colère qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème, en fait. Et de se dire pour soi-même, effectivement, c'est un problème, en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, donc ça, c'est un cheminement, je veux dire, ça fait, c'est ça, 17 ans, hein, que c'est... Donc c'est un cheminement ultra long. Là on parle de la dernière année. Et puis, il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça, en fait, aussi, que je parle. C'est parce que, en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Et de proposer ces nouveaux récits, voilà. Je suis un peu brouillon, hein, je suis désolée, forcément, je suis tout. Un petit peu émue, on mais... pas du tout brouillon. Et, Je me souviens voilà, tellement c'est... de ce moment, on était chacune chez nous. Moi, c'est genre, meuf, t'as vu ce qui se passe? C'est un truc de ouf. Et après, il y a Martial, il venait chez moi. Et en fait, je me souviens vraiment m'être dit, j'ai l'impression que notre équipe de foot vient de gagner la Coupe du Monde. On a remis le match, on était toutes les trois dans ton lit, Martial, tu te souviens? Et puis on remettait les passages qu'on préférait, t'as genre, oh, ce moment quand elle dit ça et tout. C'était tellement puissant ce moment. Mais parce qu'on existait, en fait. Mmh. On existait dans le dehors. Mmh. Tout ce qu'on disait sortait dans l'extérieur du groupe de parole. On avait une actrice connue, reconnue, qui parlait en direct de choses qui nous avaient traversées de manière beaucoup plus intime. Ça, je trouvais que c'était super fort, quoi. Et avec une telle colère, oui. Enfin, moi je me rappelle ce qui nous a soufflé, c'était la colère froide qu'elle avait, qui était envahissante, et c'était si bon, je trouvais, de voir ça, et de dire, bah voilà, enfin, on est à ce niveau-là, et vraiment, je pouvais pas passer à côté de l'immense colère qu'elle dégageait de tout. Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Voici l'histoire de Bella, qui se réveilla un matin et s'aperçut qu'elle n'en pouvait plus. Bella aurait pu avoir une réaction décente. Elle aurait pu réagir comme les gens décents. Elle aurait pu remplir son petit ventre rond de barbiturique ou bien se jeter avec une belle désinvolture du haut d'une tour. Les gens auraient trouvé cela triste, mais pas inconvenant. Ah, pauvre Bella, aurait-il soupiré en jetant ses restes dans la terre à l'aide d'une pelle. Sans doute n'en pouvait-elle plus, aurait-il dit. Au moins avait-elle eu la décence de réagir avec décence. Rien n'aurait changé. Personne n'aurait jamais connu son nom sans cet homme qui l'observait. Un homme ordinaire qui l'observait depuis sa fenêtre. Un homme qui l'observait et la désirait, là, debout, derrière sa fenêtre. Il la voyait dans son sous-sol et il fallait qu'il essaie. n'avait pas assez de bon sens pour la laisser en paix. Il la voyait comme un récipient vide que lui seul pouvait remplir. Il s'imaginait la tirant par les cheveux pour lui faire traverser la rue. Il s'imaginait plaquant sa main sur sa bouche pour la plier à tous ses désirs. Malheureusement pour lui, il imaginait trop de choses. Un petit esprit avec de grandes idées, car Bella ne pouvait pas plier. En tout cas, Bella, c'est une meuf qui... C'est une meuf qui a plus le time. C'est une meuf, ça suffit en fait. Ça suffit. Et donc Bella, elle riposte quoi. C'est un livre, je crois, 100% colère et 100%. Et c'est complètement. Ouais, c'est ça, c'est complètement cathartique. Et c'est pas réaliste. Et c'est pas fait pour. Mais il fait du bien. Et je trouve, il dit aussi beaucoup de choses de ce groupe. C'est que ce groupe, il y a tellement de tendresse et d'amour et de soutien. Et il y a aussi cette colère qui est un truc qui circule entre nous et que dès qu'il y en a une qui en manque, et ben, ce qui fait du bien, c'est quand les autres, elles lui redonnent un peu de la colère, quoi. Et la colère, elle fait qu'on est encore debout. Et c'est pour ça, c'est marrant, souvent, il y a des gens qui essaient de nous guérir de la colère ou qui nous disent que peut-être la colère, elle va trop nous envahir ou elle va nous bouffer ou que, je sais pas, on va devenir ouf à force d'être en colère. Mais nous demander de plus être en colère, c'est si étrange. Pour moi, la colère, c'est aussi de la dignité, en fait. La colère, c'est dire on mérite mieux. On mérite mieux que juste vivre dans un monde où, en fait, tu te lèves le matin et tu peux te faire buter par un gars parce que t'es en couple avec lui, ou tu peux te faire violer parce que juste t'es sorti. Enfin, ça, pour moi, c'est juste se rappeler et se dire tous les jours on mérite mieux que ça. Et franchement, on va essayer. On va essayer que ce soit mieux que ça, à plusieurs, mais juste, on va pas s'en satisfaire. Je vais pas arrêter d'être en colère, de me dire, bon, ouais, franchement, tant pis. Franchement, relou, c'est centaines de milliers de meufs qui sont violées tous les ans, les centaines de meufs qui se font buter, c'est relou, mais bon, bah écoute, que veux-tu? Il faut qu'on vive. Mais c'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de point de non-retour, en fait. Je veux dire, tu peux pas revenir au moment où tu te disais, bon, bah, je sais pas, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça. Ce serait si bizarre de se satisfaire de ça. J'ai les mots et l'aigreur à la bouche, et l'arrière-goût de la tienne sur la mienne, fantôme d'amertume, quand je revois ton corps qui est posé sur le mien, comme une enclume rhétorique, et pour me niquer, pas d'œil plus rieur que le mien. Même avec l'alarme en coin, tes yeux rivés sur mon iris épuisé, et c'est ça qui t'animait, ma liberté de mouvement, céder à ton désir incontinent, et le continent nord de ma sexualité segmentisée, c'est une terre à coloniser. Omission pré-mortem, j'ai menti, car la vérité était encore plus nue que je l'étais. J'ai menti, car même quand des accords, bras enlacés, corps ondulé, provoque organes excités, paré, que viennent des mots qu'on sent. Alors, moi, quand je te le reprends, et je t'arrache ta bouche, je bois ton sang. Ah, oh. C'était Violé, une histoire de domination. En venir aux mots. Avec Mathilde Forger, Baptiste de Cazeneuve, Marcia Burnier et Sol Brun. Lecture, Sabine Pacora. Documentation Radio France, Annelise Signoret. Un grand merci à Anne-Laure Pinault pour l'entremise et à Johanna Luyssen pour ses mots et son écoute lors d'une soirée berlinoise. Prise de son, Michel Gassic et Manon Houssin. Mixage, Éric Boisset. Une série documentaire de Clément Salzar, réalisée par Séverine Cassard. Les baisers volés, je te les reprends, je te prends la langue avec. Je te prends la langue avec. Dans le monde, tout est sexe, sauf le sexe et le pouvoir. Tout est safe, sauf le sexe. Mec, qui est partout, en fait, tu m'as fait victime du caclavi que tu mènes qui t'anime. Brutalité fait bander les bandits du bête. Tu me baises les yeux bandés. Mais tu prends la confiance qu'avec tes mains sur mon fessier, grand bien t'en face. Dans mon orifice, tu trouves ton épitaphe. Oh, oh, oh, c'est quoi la tasse? Va t'entasser, noyer de ma tasse, oxytocine, c'est près du bud. T'aimes être louvé sur mes seins molles. Donner, c'est tout qu'on tue des gens avec des oreillers en mode airbag. Le passage d'airbug, cloison nasale obstruée, pleine bouche occupée. T'avais qu'à pas respirer du nez. Mais j'ai plus le temps de ta vue, l'heure sur ta montre en or, j'ai un désordre à instaurer. Et sous tout tes angles, je peux plus t'encadrer. Je sais, tes mots sont doux. Et ton dard est long. Mais mon crâne est dur. Et si ta bouche est repue, le silence est tort. Déjà rompu. Le silence est tort.